La chronique du directeur général du club de golf de Saint-Prime, M. Junior Junot, est une commandite de Saint-Félicien Chevrolet qui vous invite à faire un trou d'un coup avec son vaste choix de camions, de voitures neuves et de voitures d'occasion pour tous les budgets. Saint-Félicien Chevrolet, 762 Boulevard Sacré-Cœur, Saint-Félicien, 418-679-1605. Tout le personnel et la direction de Saint-Félicien Chevrolet souhaitent une bonne saison à tous les golfeurs et toutes les golfeuses. On va parler de golf avec notre ami Junior Junot. Salut Junior! Salut Annie. Junior, évidemment, on rappelle que cette chronique est une commandite de Saint-Félicien Chevrolet. Junior, qu'est-ce qui se passe au club de golf maintenant à Saint-Prime? Ce qui se passe, c'est on est dans le début de saison. C'est sûr que, bon, avec toutes les normes, les règles sanitaires, que ce soit là, les tournois, c'est moins les activités en termes de tournois. C'est pas comme de tournois d'ouverture. On n'a pas de tenue de tournois d'ouverture. Bon, on n'est pas capable de faire de rassemblement. Par contre, là, bon, à partir de la semaine prochaine, là, on a le tournoi de Lebeau Saint-Prime qui va avoir lieu le 19 et 20 juin. Dans ce cas-là, c'est pas un tournoi avec un souper après, là, puis avec rassemblement. Fait que ça c'est ce qui nous permet de réaliser l'activité. Okay. Enfin, c'est une tradition là, qui date de très, très longtemps. Alors, c'est l'activité qu'on va avoir la fin de semaine prochaine, pas prochaine, mais dans l'autre, là, le 19 et 20. Sinon, ben, c'est le golf régulier. Les amateurs de golf sont au rendez-vous. On est déjà aussi bientôt, on va faire des annonces au niveau du Weekend Golf là, 2021. Encore là, ça c'est une chose qui va être annoncée bientôt, là, qu'est-ce qui va être fait, puis les dates, etc., etc. Fait que c'est quelque chose là, qui se prépare, qui se travaille, puis pour les prochaines semaines, non? OK. Dis-moi, y a-tu eu un trou d'un coup? Y a-tu eu quelque chose qui s'est passé? Non, pas de trou d'un coup encore depuis le début de l'année. Okay. On a également, là, c'est sûr, tantôt je le disais, là, je l'ai pas dit, mais le 29 mai dernier, on a procédé à l'inauguration du Centre de développement des jardins. Oui. Un gros projet, ça, qui a été réalisé pour nous, là, fait que ça, on est bien fiers de ça, puis on est bien contents, parce que autant pour les jeunes que les personnes adultes peuvent en profiter. Déjà, là, ça va très, très, très bien. Le succès est là. Et puis, on espère simplement que ça va continuer. Puis, je n'ai pas d'inquiétude, ça va continuer. Puis, c'est nos jeunes, en même temps, vont pouvoir en profiter. Fait que c'est notre relève de demain. Fait qu'on travaille à les développer. Puis, on en est bien fiers. D'ailleurs, tous nos programmes juniors, c'est complet. On a au total 85 jeunes inscrits. 87, là, on était même obligé d'en refuser parce que à un moment donné, on est limité aussi avec le nombre d'entraîneurs. On peut pas se ramasser avec des coachs pour 20-25 jeunes. C'est trop un seul entraîneur si on veut donner une qualité d'enseignement aux jeunes. Fait que on est bien content de ça aussi. Un bel engouement. Là. L'année passée, on était 45, on avait une légère baisse, bon, avec tout ce qu'on avait vécu avec la COVID, puis là, les normes étaient très sévères, c'était beaucoup plus compliqué, là, fait que ça a fait en sorte qu'il y avait des gens qui s'étaient, ils avaient passé droit, si on peut dire. Mais là, on revient à un niveau, ben, là, puis l'année 2019, on était à une 62, si je ne me trompe pas, fait que, on a une belle hausse, là, de 25 jeunes, donc, c'est bon, ça. Par rapport à 2019, c'est excellent. Quand vous avez une hausse de jeunes, ça veut dire que ça assure son avenir. Ça assure, c'est déjà très bon. Si tu en gardes une vingtaine à l'avenir, ou la moitié à chaque année, c'est dans 10 ans, ça va être rénové, ça va être tout renouvelé, puis ça va être du monde jeune. C'est génial. Là. Ben, c'est ça. Là, non, ça, puis ça amène les parents, ça amène les gens à venir voir, découvrir le golf, puis s'intéresser au sport que leurs jeunes jouent. Là, fait que ça on va chercher les parents aussi à travers de tout ça. Fait que non, on est bien contents, puis on espère de garder cette aire d'aller là. Okay. Ça fait le tour pour cette semaine, Junior? Oui, ça fait le tour, mon ami, pour on cette semaine. Cette chronique est une commandite de Saint-Félicien Chevrolet.